بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah, le Seigneur de l'univers et de ce que contient cet univers, et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les ont suivis et les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Par ce qui suit, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et la meilleure des guidées est la guidée de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah. Et toute chose nouvellement inventée dans la religion complète d'Allah est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc nous allons continuer, Inch'Allah. Aujourd'hui, donc, les explications des Arba'in Nawawiyya. En poursuivant sur les explications de ce hadith numéro 2, qui est connu sous le nom de hadith de Jibril. Et étant donné que cela fait un moment que nous sommes sur ce hadith-là, je vais inshallah les mémoires pour ceux qui l'auraient oublié. Ce hadith a été rapporté donc par Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans lequel il a dit: un jour nous étions assis en conférence chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui, et il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci et lui dit: ô Muhammad, fais-moi connaître l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah, et que Mohammed est son envoyé. Accomplir la prière rituelle, verser la zakat, l'impôt rituel, et accomplir le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. Donc nous déjà, nous avons expliqué toute la première partie sur ce qu'est l'islam et sur ce qu'est l'iman, yani, et sur les cinq piliers de l'islam. Donc lorsque je dis tout ce qu'on avait expliqué, c'est lorsqu'on poursuit le hadith, son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Et nous de nous étonner tant de sa question que de son approbation. Puis il reprit en disant: fais-moi connaître la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, à ses anges, à ses livres, à son prophète, au jugement dernier. Tu dois croire encore à la prédestination, touchant le bien et le mal. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Et il reprit: fais-moi connaître la vertu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: la vertu, al-ihsan, consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore: fais-moi connaître l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit: Mais fais-moi connaître les signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les pâtres se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. Cet homme-là était l'archange Gabriel. Il vient de la sorte à vous pour vous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. Donc je disais, nous avons vu toute la première partie sur un rappel sur comment doit se comporter l'étudiant en sciences, comment Jibril alayhi salatu wassalam se mettait en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. Donc il y avait plein de bénéfices des savants de la sunna concernant le comportement de l'étudiant en sciences, concernant la définition de l'islam et de l'iman dans le cas où est-ce qu'ils sont mentionnés dans un même texte ou lorsqu'ils sont mentionnés dans des textes différents et lorsqu'ils sont seuls. Lorsque l'islam et l'iman sont mentionnés dans des textes différents, lorsqu'ils sont mentionnés dans des textes différents, ils ont la même signification, tandis que lorsqu'ils sont mentionnés dans un même texte, ils ont des significations différentes. Et nous avons pu voir dans le détail les 5 piliers de l'islam. Et nous poursuivons donc avec la foi. D'accord ? C'est-à-dire l'iman. Pour voir les piliers de la foi, inshallah. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, dit: ثم سأله عن الإيمان فقال اخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le Cheikh hafidhahullah il dit que puis Jibril alayhi salam donc questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit. Donc Jibril alayhi sallam demanda donc en questionnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais-moi connaître la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: la foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à son prophète, au jugement dernier. Tu dois croire encore à la prédestination, touchant le bien et le mal. Donc, le Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, dit: فَالْإِيمَانْ هُوَ هَذِهِ الْأَرْكَانُ الْبَاطِنَةِ. Donc, la foi, ce sont ces piliers qui sont intérieurs, batin, qui sont cachés, d'accord, qui sont à l'intérieur. وهو في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. Et la signification linguistiquement de la foi, c'est d'avoir la véracité complète dont aucun doute ne le touche. Ça, linguistiquement, la foi, c'est la véracité complète touché par aucun doute. Wa amma fi shar', tandis que dans la législation, fa huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Hadha huwa al iman 'inda ahli sunnah wal jama'ah. Hadha huwa al iman 'inda ahli sunnah wal jama'ah. خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous donne l'explication, la définition de la foi dans linguistiquement. Donc nous avons déjà vu ça dans le détail, hein, lorsque nous étions au début de ce hadith-là. Et donc là, ça va rafraîchir, inshallah, la mémoire. Donc linguistiquement, c'est quoi la foi? C'est la croyance qui est véridique. C'est la croyance, yani, c'est la véracité. La véracité qui est complète, n'étant touchée par aucun doute. Mais dans la législation, la foi signifie, c'est la parole avec la langue, la croyance avec le cœur, et les actions avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. La foi augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec les désobéissances à Allah. Cela, c'est la foi, c'est la signification de la foi chez les gens de la sunna et du consensus. À l'opposé des murji'a. Il y a une annotation en bas, le murji'a. قيل من الإرجاء أي من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. Donc المرجئة, il est dit, cela provient de إرجاء. إرجاء, ça provient du fait de retarder, c'est-à-dire qu'ils retardent, ils ont retardé les œuvres sur la foi. وقيل من الرجاء. Et c'est aussi dit que ça provient aussi du fait d'espérer, souhaiter. لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم فرق شتى. Et donc c'est ça provient aussi du fait que ils souhaitent, parce qu'ils disent avec la foi, la désobéissance, la désobéissance ne nuit pas à la foi. Ils disent tout comme, la mécréance n'est bénéfique en rien avec l'obéissance. Et ils sont différents groupes, il y a un groupe principal et après ils subdivisent en plusieurs sectes égarées. Les unes comme les autres. Donc, ça provient du fait qu'ils souhaitent. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Ça, c'est dans leur parole. La désobéissance ne nuit pas à la foi, tout comme. L'obéissance n'est pas bénéfique avec la mécréance. Donc ensuite, le Cheikh Hafidhahullah, il dit, donc on a vu, ça c'est contraire, on a compris, l'opposé d'une des sectes qui oppose les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et du consensus. Donc les gens de la sunna et du consensus ont la croyance que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et les actions avec les membres. D'accord? Tandis que les murji'a, ils disent que la foi, c'est le fait d'approuver. C'est huwa tasdiq bil qalb, c'est le fait que le cœur, juste il croit de façon véridique. Ou bien ils disent aussi aw at-tasdiq bil qalb wa an-nutq bil lisan faqat. C'est le fait que il croit avec le cœur et le prononce avec la langue seulement, et que les œuvres ne rentrent pas dans cela, ne rentrent pas dans la foi. Selon les murji'a, ils ne font pas rentrer les œuvres dans la foi. D'accord? Et il dit le shaykh, hadha qawlun mardoud, c'est une parole qui est rejetée. Fala budda min al-amal. L'œuvre, le fait d'œuvrer, est indispensable pour avoir la foi. Wala yakunu al-insan mu'minan bidun al-amal. L'individu n'est pas croyant, ne sera pas croyant sans œuvrer. Hatta walau saddaqa bi qalbihi walau nataqa bi lisanihi walam yaqum bil 'amal walaysa lahu 'udhrun yamna'uhu minhu falaysa bi mu'min. Donc ensuite le cheikh hafidhahullah, il dit donc que cette parole là de croire avec le cœur et puis le prononcer avec la langue sans intégrer les œuvres, les actions des membres dans la foi, le fait de ne pas intégrer les actions des membres dans la foi, les œuvres, eh bien, ça c'est une parole qui est rejetée. Et il dit que le fait d'œuvrer, d'agir avec le membre, est indispensable. Et l'individu n'est pas un croyant sans les œuvres. Même s'il croit avec son cœur. S'il atteste, il confirme, il dit oui, oui, je crois avec mon cœur. Et qu'il prononce avec la langue. Mais s'il ne se met pas à œuvrer, à agir donc avec ses membres, et qu'il n'a pas d'excuse qui l'empêche d'œuvrer avec ses membres, eh bien ce n'est pas un croyant. Ce n'est pas un croyant. Donc celui qui croit avec son cœur, qu'il prononce avec sa langue, mais qui n'œuvre pas, qui n'agit pas avec ses membres, sans avoir d'excuse l'empêchant d'œuvrer avec ses membres, eh bien ce n'est pas un croyant. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط. Il dit, car Allah le Très-Haut, eh bien, mentionne la foi comme étant, yani, dont les œuvres font partie intégrante. Yani, c'est, font partie intégrante. C'est un mélange avec la foi. Les œuvres sont un mélange avec la foi, font partie intégrante de la foi. Il dit, car Allah le Très-Haut l'a mentionné cela dans de nombreux versets. Et Allah Azza wa Jal, yani, n'a pas mentionné uniquement la foi, mais lorsqu'il mentionnait la foi, il mentionnait les œuvres, les actions des membres qui font partie intégrante de la foi. Qala ta'ala, voilà les preuves maintenant que le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah yani mentionne sur ce qu'il avance. Qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Dans sourate Al-Anfal, des versets 2 à 4, dans la traduction du sens des versets, Allah le Très-Haut a dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salette. Donc vous voyez, donc le verset 2 commence par « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Qui sont-ils aussi? Yani, on continue la description. Ce qu'Allah Azza wa Jal dit, « Les vrais croyants sont ceux, on a lu ce verset 2, on passe au verset 3, « Ceux qui accomplissent la salat. » et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. On passe au verset 4. Ceux-là, yani, les vrais croyants, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. Vous voyez les versets 2 à 4 de Sourate Al-Anfal, ils sont très clairs. Vous voyez que les œuvres des membres, les actions des membres sont partie intégrante de la foi. Les vrais croyants, qui sont-ils? Ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Ceux qui accomplissent la salate et qui dépensent dans le sentier d'Allah ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Dans sourate Al-Hujurat, verset 15, dans la traduction du sens du verset, où Allah le Très-Haut a dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Vous voyez bien que les œuvres, les actes des membres sont partie intégrante de la foi. Dans Sourate Al-Hujurat, verset 15. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع والسبعون أو بضع والستون شعبة. Et dans le hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la foi est constituée de 70 ou 60 branches. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc la foi est composée de 70 ou 60 branches. La meilleure de toutes ces branches, c'est la parole: nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et le plus bas niveau, c'est le fait d'enlever ce qui gêne de la route. Ce qui gêne sur la route, eh bien le fait de l'enlever, cela fait partie de la foi. Wal-haya, et la pudeur, est une des branches de la foi. Shorbatun min al-iman. Et ce hadith est donc... أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيتي رابورتي بار أبي هريرة ونتروف دونك دون صحيح البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله il dit: eh bien ce hadith indique que la foi c'est la parole, les œuvres, le fait d'agir avec les membres, et la croyance. لِأَنَّهُ قَالَ, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هَذَا قَوْلُ بِاللِّسَانِ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, la meilleure des branches, c'est لا إله إلا الله, la parole لا إله إلا الله. Et il dit, et ceci est une parole avec la langue. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et le plus bas niveau de la foi, c'est le fait d'enlever ce qui gêne de la route, il dit le cheikh: وهذا عمل, et ça c'est une œuvre. والحياء شعبة من الإيمان, et la pudeur est une branche de la foi, il dit: وهذا في القلب, et ceci est dans le cœur, et ceci est dans le cœur. فدل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة. Donc dans ce hadith là, cela prouve que la foi est composée de ces trois points là. فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانته العمل. Donc il dit le Cheikh Hafidahullah, ce hadith prouve, فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانِ يَتَكَوَّنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَ. Cela prouve que la foi donc est composée de ces trois, à ces trois composantes-là. D'accord ? C'est-à-dire la croyance, la parole, la croyance dans le cœur, la parole avec la langue et les actions, l'action des membres. Ensuite, il dit le shir, فَمَنْ تَرَكَ الْعَمَلْ نِهَائِيًا وَلَمْ يَعْمَلْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِمْكَانِيَةِ الْعَمَلْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Il dit, celui donc qui délaisse totalement le fait d'œuvrer, il délaisse les œuvres, il les délaisse totalement, et qu'il n'œuvre pas, n'agit pas avec ses membres, avec sa possibilité de le faire, d'accord ? Sa possibilité d'œuvrer et d'agir, d'accord ? فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Eh bien, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un croyant. Celui qui délaisse totalement les œuvres, alors qu'il a la possibilité d'œuvrer, il le délaisse totalement, malgré qu'il en a la possibilité, eh bien, ce n'est pas un croyant, dit le Cheikh Hafidhahullah. أَمَّا مَنْ تَرَكَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَهَذَا قَدْ يَكُونَ كَافِرًا وَقَدْ يَكُونَ نَاقِسُ الْإِيمَانِ وَقَدْ يَكُونَ نَاقِسَ الْإِيمَانِ. Donc il dit ensuite, tandis que celui qui délaisse certaines œuvres, eh bien il peut être un mécréant, ou il peut être quelqu'un qui a une foi qui est moindre. فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فَهُوَ كَافِرٌ. S'il délaisse la prière, alors c'est un mécréant. كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْآيَاتِ. Comme cela est prouvé dans les ahadith et dans les versets. أَمَّا إِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ غَيْرَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا نَاقِسَ الْإِيمَانِ كَأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ. Donc il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit donc, celui qui délaisse, donc s'il délaisse la prière, alors c'est un mécréant. Comme cela est prouvé dans les hadiths et dans les versets du Coran. Mais s'il délaisse certaines choses des œuvres en dehors de la salate, alors il est un croyant avec une foi diminuée, une foi moindre, comme ceux qui font partie, yani qui commettent les péchés majeurs en dehors de l'associationnisme. D'accord ? En dehors de l'associationnisme, en dehors du shirk, en dehors du polythéisme. Donc celui qui délaisse une partie des œuvres en dehors de la salette, c'est un croyant avec une foi moindre, comme ceux qui commettent donc les péchés majeurs en dehors de l'associationnisme, qui est le pire des péchés, bien sûr. Pire des péchés majeurs. Pire de tous les péchés, le shirk. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah, il dit, وَلَبُدَّ مِنْ اجْتِمَاعَ الْإِسْلَامِ فِي الظَّاهِرِ وَالْإِيمَانِ فِي الْبَاطِلِ. Il est indispensable que soit réuni l'islam en apparence et la foi à l'intérieur. فَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَطْ دُونَ الْإِيمَانِ فَهَذَا مُنَافِقٌ. Celui donc qui se tient uniquement à l'islam, donc en apparence, sans la foi, eh bien cet individu est un hypocrite. فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ أَسْلَمُوا فِي الظَّاهِرِ وَسَارُوا يَسُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَعْمَلُونَ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ لَكَنْ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانِ فَهُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Il dit, eh bien donc les hypocrites, donc ce sont ceux qui montrent en apparence l'islam, mais qui n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir l'islam en apparence et la foi à l'intérieur. Donc celui qui se tient uniquement à l'islam en apparence, sans avoir la foi, c'est un hypocrite, car les hypocrites, eh bien, ont montré en apparence qu'ils ont accepté l'islam, qu'ils se sont convertis à l'islam. Et ils se sont mis à jeûner, à prier et à agir sur les cinq piliers de l'islam. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas de foi. Ils sont donc au plus bas niveau de l'enfer, au plus bas niveau du feu. وكذلك من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. Il dit ensuite le cheikh Salah Fawzan, hafidahullah, il dit ensuite concernant le fait que celui qui croit, qui a la foi dans son cœur, mais n'applique pas cette foi-là, donc ça n'apparaît pas sur ses membres. Et il ne prononce pas les deux attestations de foi. Donc il croit au fond de lui, mais refuse d'agir sur cette foi et refuse de prononcer les deux attestations de foi. Eh bien, celui-ci n'est pas un croyant. Celui-ci n'est pas un croyant. Car la foi dans le cœur uniquement n'est pas suffisante. La foi uniquement dans le cœur n'est pas suffisante. Car il faut la foi dans le cœur, il faut l'islam en apparence. C'est-à-dire une application de cette foi-là. Donc il faut les deux. Donc celui qui a juste la foi dans le cœur, eh bien, ce n'est pas suffisant. وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه في قلوبهم لكن ينكرون هذا في ظاهرهم قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون. Donc ensuite le cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah dit: la foi dans le cœur est une des causes pour avoir la foi. C'est une des causes pour avoir la foi. Mais celui qui la garde uniquement dans le cœur, sans agir dessus, c'est-à-dire sans avoir l'islam en apparence, sans prononcer les deux attestations de foi, d'accord ? Sans avoir l'islam en apparence, eh bien, ça ne lui sert à rien s'il a juste la foi dans le cœur. D'accord ? Car il dit, il est indispensable d'avoir la prononciation avec la langue et les œuvres, yani d'agir avec les membres. Car sinon, les polythéistes, les associateurs, eh bien, avaient la foi dans leur cœur. Et les juifs et les chrétiens et les nasara croyaient dans leur cœur de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croyaient au fond d'eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Mais, en apparence, il reniait cela. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 33 de Sourate Al-An'am, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Donc ils avaient la ferme croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Mais en apparence, il le reniait. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. Et Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait dans ses poèmes qu'il écrivait: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Je savais que la religion de Mohammed fait partie des meilleures religions. Et la meilleure religion. لولا الملامة أو حذارتي أو حذاري مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Mais si ce n'est... Donc lui, il atteste tout d'abord que la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des religions. Et ensuite, il dit, mais si ce n'est par le fait qu'il craignait que, yani, les gens de sa tribu, de son peuple, eh bien, viennent et lui disent, mais pourquoi tu as changé de religion, mais pourquoi, donc, qu'ils se mettent à, yani, yani, il omou, quoi, c'est-à-dire, j'ai le mot qui m'échappe là en français. Le fait qu'il oume, le fait qu'il vienne et qu'il commence à lui dire mais pourquoi tu as changé, mais pourquoi, donc il craignait cela, d'accord. Et également, il considérait que ça risquerait d'être une insulte, d'accord, ou bien il craignait que ce serait une insulte pour ses ancêtres qui l'ont précédé, qui eux ne sont pas donc morts dans l'islam, ils sont morts dans la jahiliya. Donc ça veut dire que s'ils se convertissent à l'islam, ce serait une insulte envers ses ancêtres qui sont mécréants. Donc ils devraient attester cela, d'accord. Et bien il dit, si ce n'est pas à cause de tout cela, eh bien tu m'aurais vu, dans cette religion. فهو معترف بقلبه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. Donc lui il considère, lui il accepte, il l'admet, il le reconnaît avec son cœur que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est l'envoyé d'Allah. وأن دينه أزكى أديان الخليقة. Et que la religion du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est la meilleure religion, yani, des créatures. لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de cela? Eh bien, qu'est-ce qui l'a empêché de prononcer, de l'admettre délibérément et de façon apparente? Qu'est-ce qui l'a empêché tout cela? C'est le fait, eh bien, qu'il voulait plaire à son peuple. Il voulait plaire à son peuple. لو آمن بالرسول لتبرأ من دين قومه. Parce que s'il affiche en apparence, eh bien, qu'il croit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il se doit automatiquement de se désavouer de la religion de son peuple. وهو لا يريد هذا. Mais lui ne veut pas cela. منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه. Donc qu'est-ce qui l'a empêché? C'est ce partisanisme de la jahiliya, le fait de vouloir rester avec son peuple et craindre d'être exclu de son peuple et que son peuple ne l'aime pas, mais recherchant à plaire à son peuple, eh bien c'est tout cela, hein, qui l'a empêché de montrer ce qui est dans son cœur. Hatta wa huwa fi sakarat al-maut yaqul lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ya am qul la ilaha illa Allah fa yaqul lahu Abu Jahl wa man ma'ahu atatruku din 'abd al-Muttalib. Jusqu'à même lorsqu'il était en train de mourir, d'accord, lorsqu'il était en train de mourir, et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, attendez, excusez-moi, même lui a compris qu'il faut se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Naam, Ribekran. Naam. Eh oui, c'est parce que, et d'ailleurs, ce n'est pas que lui qui a compris qu'il faut se désavouer de l'associationnisme et de ses adeptes. Mais c'était tout Quraysh qui avait compris cela. Eux, ils avaient compris que s'ils prononçaient la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, ils avaient compris que cela impliquait qu'ils devaient se désavouer de toutes leurs fausses divinités, de toutes leurs statues, etc. Et leurs arbres et leurs roches, etc. Ils savaient qu'ils devaient se désavouer de cela. Mais eux ne voulaient pas se désavouer de cela, car ils les utilisaient pour, hein, pour se rapprocher d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit à son oncle Abu Talib, alors que Abu Talib était en train de mourir, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Mais Abu Jahl, qui est la tête du kofr, et ceux qui sont avec lui, se sont mis à dire à Abu Talib, vas-tu délaisser la religion de Abd al-Muttalib? La religion de Abd al-Muttalib, ça veut dire la religion de ton peuple. Et à la fin, il s'est mis à dire qu'il est sur la religion de Abd al-Muttalib, et il est mort sur cela. Et il est mort et il n'a pas dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. وكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك. Et il dit le cheikh Salah al-Fawzan Habibullah, il dit donc, il est mort sans dire la ilaha illallah et il fait donc partie des gens de l'enfer, alors qu'il croyait dans son cœur et il reconnaissait et admettait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était le prophète et envoyé d'Allah. Et il reconnaissait que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était la meilleure. Tout cela il y croyait. Il croyait en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a refusé de le prononcer, d'agir sur la croyance qu'il avait au fond. Eh bien il est mort en tant que mécréant. Vous voyez pourquoi le cheikh Salah al-Fawzan Hafidhullah a mentionné cela? C'est pour montrer que ce qu'il avait dit précédemment, que croire en la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, croire que l'islam c'est la vérité, mais refuser d'agir sur la religion, de mettre en application cette croyance-là, celui qui veut juste croire à cela, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un croyant. Donc malgré qu'il avait cette croyance-là, Abu Talib, dans son cœur, qui reconnaissait la véracité, d'accord, eh bien, il est mort. En tant que mécréant, il fait partie des gens de l'enfer. Donc il dit le shir, « Ma annahu mu'minun bi qalbihi mu'tarifun bi dhalika kama fi ash'arihi al-mawjuda bayna aydina » والتي فيها التصريح والإقرار بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. Il dit, vous voyez, il croyait dans son cœur, il reconnaissait la véracité du prophète صلى الله عليه وسلم, comme cela est mentionné dans ses poèmes que l'on a aujourd'hui, qui sont encore présents là, que l'on a, dans lequel Abu Talib avoue clairement qu'il agrée et confirme et affirme que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique et vérité. D'accord ? Wa anna din al-mushrikin batil, et que la religion, il a même dans ses poèmes, il reconnaît que la religion des polythéistes, des associateurs est fausse. Lakinnahu lam yashhad anna la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. أبى أن يقول لا إله إلا الله لأن معنى ذلك خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه. Donc, mais malgré qu'il reconnaissait tout cela, d'accord, il n'a pas témoigné, attesté avec sa langue que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Il a refusé de dire la ilaha illallah, car le sens de la ilaha illallah implique qu'on se désavoue de l'adoration qui est vouée au statut, qui est donc la religion de son peuple. فهذا فيه أن الحمية الجاهلية قد تحمل الإنسان على الكفر. Cela montre également que ce partisanisme-là, le fait d'avoir cet amour effréné envers son peuple, avoir ce partisanisme-là qui fait partie de la jahiliya, de la période pré-islamique, eh bien, peut mener un individu à la mécréance. وَلِعِيَذُ بِاللَّهِ qu'Allah nous en préserve. قَالَ تَعَالَى. Donc Allah le Très-Haut a dit, قَالَ تَعَالَى إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Donc Allah le Très-Haut a dit dans Sourate Al-Fath, et c'est au verset 26 dans Sourate Al-Fath, quand ceux, dans la traduction du sens du verset, quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. D'accord ? Donc cette partie-là, quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, de la jahiliya. فالإنسانو لا يؤثر على الدين الحق شيئا مهما كلفه ذلك ولا يخشى في الله لومة لائم هذا هو الواجب. Donc l'individu, ne doit pas craindre quoi que ce soit concernant la religion d'Allah le Très-Haut, car la religion d'Allah le Très-Haut qui est l'islam, c'est la religion de vérité. Quand peu importe que ça peut lui coûter, il ne craint rien, ni les gens qui vont commencer à lui comme si qu'ils voulaient lui demander des comptes pourquoi il a accepté l'islam, etc. C'est la religion de vérité. Personne ne peut être bénéfique lorsque tu meurs et que t'es dans ta tombe, tu seras tout seul ou toute seule. Il n'y a que tes œuvres. Donc vouloir plaire aux gens et vouloir satisfaire les gens et désobéir à Allah et mourir sur la mécréance, tu n'auras ni gagné ni la satisfaction des gens, subhanallah, la satisfaction d'Allah le Très-Haut. Et Allah le Très-Haut n'agrée pas la mécréance. Donc, il ne faut pas, c'est pour ça que le Cheikh Hafidhullah, il dit, il ne faut pas que l'individu, il craint que quelqu'un, se met à lui faire des remarques ou des mauvaises remarques et tout cela parce qu'il suit la religion de vérité. Non, il ne doit pas craindre cela. D'accord ? Et il doit être ferme donc dans la religion d'Allah le Très-Haut, car c'est la religion de vérité. Aucun doute sur cela. Al-Hasil, donc pour résumer, il dit le Shir, أنه لابد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في القلب. فإن انفرد أحدهما لم يكون الإنسان مسلما مؤمنا ولم يكون من أهل الجنة. Donc il dit ensuite le Shir, donc pour résumer, il est obligatoire que l'islam en apparence et la foi dans le cœur soient réunis. Il est obligatoire que l'islam en apparence et la foi dans le cœur soient réunis. Donc s'il y en a un sans l'autre, l'individu n'est pas musulman, n'est pas croyant. Et il ne fait pas partie des gens du paradis. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان التي يبنى عليها ستة. Et dans ce hadith, il y a que les piliers de la foi sur lesquels donc la foi donc se bâtit, il y a six piliers de la foi. وأما بقية الأعمال فهي مكملات لهذه الستة أو متممات لها. Tandis que, donc il y a six piliers de la foi, tandis que le reste des œuvres, cela complète les six piliers de la foi. Soit elle complète, d'accord ? Ou soit elle parfait ces six piliers de la foi. Qu'as-sidq fil hadith, tel que la véracité dans la parole. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Tel également que le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. وسيلة الأرحام, le fait de conserver les liens de parenté. وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة فهي تابعة لها ومكملات لها. Donc il dit, vous voyez comme toutes ces œuvres-là et le reste des œuvres qui sont yani, apparentes, eh bien, elles ne font pas partie des six piliers de la foi, mais elles complètent la foi, d'accord, ou parfait la foi. D'accord. الركن الأول الإيمان بالله. Le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. Donc je pense, inshallah, peut-être puisque ça fait déjà 56 minutes là, je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Et on pourra ainsi débuter la semaine prochaine, inshallah, le premier pilier de la foi, bi'idhnillah. D'accord, inshallah, barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته